professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quelle a été l'expérience de déracinement pour le peintre Rothko, né Markus Rothkowitz à Dvinsk en 1903 dans la Russie impériale et arrivant aux États-Unis en 1913 avec une pancarte traumatisante autour du cou, selon ses mots, et portant la mention « I don't speak English ». Pourquoi définit-il la peinture comme une forme d'action ? Pourquoi a-t-il ferraillé avec d'autres artistes contre le local, le régionalisme, l'isolationnisme ? Pourquoi la chapelle œcuménique Rothko à Houston, au Texas? Et pour les anonymes, ceux qui fuient les violences guerrières, étatiques, religieuses, quelle est l'expérience du déracinement quand la parole est détruite et qu'il n'y a pas l'art pour sublimer toutes ces violences? Nous poursuivons le questionnement des mouvements de population volontaires ou contraints dans le cadre du colloque du Collège de France « Migration, réfugiés, exil » avec depuis hier les contributions consacrées aux notions d'exode, d'asile et de refuge. Annie Cohen-Solal, professeure à l'Université de Caen-Normandie, chargée de cours à l'École normale supérieure, nous propose de suivre aujourd'hui Mark Rothko de son arrivée aux États-Unis à l'édification de la chapelle Rothko, inaugurée après sa mort en 1971. Avec la chapelle émerge une autre figure d'exilé, celle de la collectionneuse d'art d'origine française, Dominique de Ménil. Aujourd'hui et sans doute encore plus dans l'Amérique de Donald Trump, cette chapelle, belle et abstraite, accueillante pour tous, devenue la fondation Carter-Ménil des droits de l'homme, s'avère, selon la formule d'Annie Cohen-Solal, le carrefour politique de toutes les urgences. Selon elle, ce n'est pas un hasard si malgré les stigmatisations, les hostilités et les sacrifices, l'artiste déraciné joue dans l'évolution de nos sociétés un rôle crucial. Vigie, détecteur de signaux faibles, sonneur d'alerte, il préfigure les formes culturelles cosmopolites d'aujourd'hui et, aux avant-postes, échappant aux déterminations imposées par le pouvoir, il propose tout autant que des mutations esthétiques de nouvelles dynamiques sociales et civiques. Alors Rothko peut inviter le spectateur à entreprendre, comme il l'écrit, un voyage dans le champ de la toile. Le spectateur doit se déplacer avec les formes de l'artiste, traverser des tunnels, descendre des plans inclinés pour ne pas passer à côté de l'expérience essentielle du tableau. Annie Cohen-Solal cite également Alfred Schütz qui écrit « L'étranger ne considère pas du tout le modèle social qu'on lui propose comme un asile protecteur, mais bien plutôt comme un labyrinthe dans lequel il a perdu tout sens de l'orientation. » Marie-Caroline Saglio-Yatzimirski, psychologue clinicienne à l'hôpital Avicenne à Bobigny et anthropologue à l'INALCO, aborde en deuxième partie justement le temps du trauma, terre de l'asile, et nous met face à trois dimensions de trauma dans son approche des réfugiés, ces migrants, clandestins, victimes de graves violences qu'elle reçoit en psychotraumatologie. Le sujet, nous dit-elle, est déshistoricisé, déterritorialisé et désocialisé. Dans ces parcours d'exil forcé, où la langue maternelle a aussi été violentée, quelle langue utiliser? Pour ces personnes désorientées, rejetées, qui ont tout perdu jusqu'à leur nom, comment la parole peut devenir le médium? l'anthropologue à côté de la clinicienne interroge les enjeux de culture. Elle nous met en présence d'un jeune patient tamoul, Raj, qui lui a précisé que, tu le veuilles ou non, toutes les familles tamoules sont engagées dans la guerre. Mais tout de suite, nous retrouvons Annie Cohen-Solal, Artistes et déracinement, le cas de Marc Rothko, le 13 octobre 2016, au Collège de France. Je vais parler de cet enfant, Marcus Rothkovich, qui arrive à New York en 1913, il a 10 ans, et il monte dans le train pour se rendre à Portland, dans l'Oregon. C'est l'ultime étape d'une odyssée qui a commencé plusieurs mois auparavant à Dvinsk, dans l'Empire russe. Marcus Rothkovich porte alors le costume, le traditionnel costume noir des écoles talmudiques de son pays. Et autour du cou, il porte une pancarte sur laquelle on peut lire « I don't speak English ». Plus tard, dans une conversation avec Robert Motherwell, le peintre Mark Rothko évoquera le port de cette pancarte infamante comme l'une des expériences les plus traumatisantes de sa vie. Mais si en Russie, il a échappé à la terreur des pogroms sauvages, et au risque de conscription forcée dans l'armée impériale en traversant l'Atlantique. Aux États-Unis, il s'engage dans une expérience de déracinement beaucoup plus déroutante qu'il ne l'imaginait. En 1942, Alfred Schütz, le sociologue viennois, lui aussi émigré grâce au soutien de la Fondation Rockefeller, à la New School for Social Research, fait une conférence sur l'étranger. L'étranger, dit-il, ne considère pas du tout le modèle culturel qu'on lui propose comme un asile protecteur, mais bien plutôt comme un labyrinthe dans lequel il a perdu tout sens de l'orientation. 15 ans après son arrivée aux États-Unis, Marcus Rothkovich sortira du labyrinthe grâce à sa décision de devenir artiste. 35 ans plus tard, il inventera sa propre esthétique avec des rectangles colorés flottant l'un sur l'autre. Et enfin, 45 ans plus tard, il proposera une révolution dans la relation entre artiste et public pour un lieu inédit, la chapelle Rothko, qui, lors de son inauguration en 1971, sera décrite comme un lieu sacré, ouvert à tous, toujours. Alors, si Marcus Rothkovich devient citoyen américain en 1938, ce n'est pas pour autant qu'il se conforme, qu'il s'intègre ou qu'il s'identifie. Bien au contraire, il restera toujours un étranger, ou comme dit encore Schütz, un social beg qui balbutie devant la réalité, qui reste isolé de son savoir d'origine, toujours en bordure de la carte, à la limite du territoire qu'elle couvre, et qui ne sera jamais au centre de son milieu. La réponse du petit talmudiste Dvinsk au labyrinthe déroutant dans lequel il est entré, c'est bien donc cette invention de la chapelle, dont la fonction dépasse et de très loin les frontières de sa culture d'accueil. Il faut le suivre et regarder le monde par ses yeux. Il faut prendre le point de vue du déraciné pour comprendre comment il s'extirpe du labyrinthe, comment il propose sa propre esthétique, comment il conçoit la chapelle. Il arrive aux États-Unis avec l'une des plus grandes vagues migratoires d'Europe de l'Est qui multiplie par 10 le nombre de Juifs dans le pays et provoque par le Congrès le vote de lois très restrictives. C'est donc dans un contexte très inhospitalier que l'adolescent aux traditions intellectuelles extrêmement fortes est admis à Yale à 17 ans. « I don't look like this », voilà ce qu'il dit. Hein. Il ne se ressemble pas, il ne trouve pas qu'il ressemble à cette photo. Voilà. Et il a donc 17 ans, et dans une brève notice biographique datant de 1945, voilà ce qu'il dit. Admis à Yale comme étudiant en licence en 1921, point. Là, mes intérêts se partagent entre l'économie du travail, motivée par de fortes sympathies sociales, les mathématiques, pour lesquelles je semblais avoir un don naturel, et la littérature, comme un luxe d'adolescent. Mais j'abandonne mes études universitaires en 1923, point final. Moi, je me demande ce que recèle cette discrétion. Parce que si Marcus Rothkovich est bien admis à Yale, il n'y est pas intégré. Il s'y heurte au numerus clausus de fait. Cette situation est dévoilée dans la correspondance des administrateurs de l'époque, des deans et des provostes et des présidents, qui déplorent, je cite, « le nombre croissant d'hébreux inscrits dans les écoles scientifiques ou des élèves issus de la race élue ». jusqu'à ce que le doyen du collège se décide à alerter le président. Je cite « Je pense que nous devons revoir notre position sur l'élément juif. Nous devons faire quelque chose pour les améliorer. Ils arrivent chez nous avec une grande rapidité. Si nous ne les éduquons pas, ils nous prendront de vitesse. Il y a quelques années, chacune de nos bourses de quelque importance était gagnée par un juif. Nous devons bloquer les juifs. » Si Marcus Rodkovitch décide donc de quitter Yale, c'est quand il réalise que c'est un établissement verrouillé qui fonctionne par caste, dont la pérennité est assurée par le système des fameuses fraternities. S'il décide de quitter Yale, c'est qu'il l'aperçoit comme une maison des morts, où la vie lui est devenue intolérable, ou encore comme un domaine réservé, où il est confronté à une situation d'offense territoriale. Le prototype de l'offense territoriale, écrit Irving Goffman, consiste pour un individu à empiéter sur une réserve revendiquée par et pour un autre. L'un fait alors fonction d'obstacle au droit de l'autre. Goffman, on pourrait dire la même chose de Grothendieck avec le milieu des mathématiciens, n'est-ce pas ? Goffman, avec son approche micro-sociologique, a très bien repéré comment les connaissances ethnologiques confuses du déraciné se heurtent à la rigidité des institutions d'accueil pour lesquelles il n'a pas les codes. Et comment il est forcé de s'inscrire dans quelque chose sur lequel je reviendrai beaucoup, un concept qui est les interstices du social, ou ces espaces d'interférence où les règles visent à éviter les collusions, les scandales, les incidents. Dans quel espace d'interférence donc Rodkovitch va-t-il s'inscrire après avoir quitté Yale, lui qui est un intellectuel? Il navigue 2 ou 3 ans entre New Haven, Portland et New York avant de pénétrer le monde de l'art qui lui est ouvert. Et grâce au fil d'Ariane que lui tendent les peintres Max Weber et Milton Avery, il parvient à sortir du labyrinthe. Les artistes américains qu'il rejoint au début des années 20 sont encore écrasés par le modèle français dominant et forment alors un milieu isolé, ostracisé par cette société de pionniers et d'entrepreneurs. C'est dans ce milieu marginal que Rodkovitch s'attache à créer The Ten, le premier groupe d'expressionnistes aux USA, une association de 9 peintres, donc ils s'appellent The Ten, mais ils sont 9, et les voilà. Ils portent tous la marque des exclus en restant des orphelins au sein de l'arène artistique. Tous des hommes, immigrés d'Europe de l'Est, première ou seconde génération, engagés politiquement, impliqués dans une activité pédagogique ou éditoriale. Dans ses œuvres de l'époque, c'est cette isolation désespérée de l'individu face à l'étrangeté de la ville que Rodkovitch représente. En général, les mouvements artistiques sont liés par une communauté d'esthétique, or là, c'est pas ça. C'est une communauté de destin social qui les lie. En 1940, pourtant, celui qui se nomme désormais Marc Rothko prend une décision radicale, celle de poser ses pinceaux. Pendant un an, fidèle à son paradigme intellectuel qui va le structurer, il se met à écrire un livre et il rédige ce livre, La réalité de l'artiste, qui ne sera publié qu'un demi-siècle après sa mort, c'est-à-dire en 2005 récemment. Alors qu'il l'écrit en 1940. Il s'y projette dans le long terme, dans l'antiquité égyptienne et grecque, puis dans le passé européen, pour construire sa généalogie personnelle dans l'histoire de l'art et s'y ancrer. Ce livre est un véritable exercice de décentrement spatio-temporel, par lequel il s'arrache au New York des années 40 et par lequel il se rallie au combat des peintres de tous les temps, renouant par exemple avec l'inspiration fondamentale de L'ut pictura poesis, qui sous-tend l'ambition de la grande peinture, un texte que Daniel Arras a lu comme le dernier livre des grands maîtres. Rothko dirige ses lectures vers l'histoire, la philosophie, l'histoire de l'art. Il décrit la peinture comme une forme d'action et une forme d'action sociale et rêve d'un âge d'or comme la Grèce de Périclès, la Florence de Giotto ou la France des cathédrales. C'est dans la lecture de Nietzsche surtout qu'il enrichit ses convictions et forge sa vision. Dans son analyse de la tragédie grecque, écrit-il, Nietzsche avance une belle hypothèse sur la façon dont la tragédie grecque elle-même résolvait le problème de la souffrance et du mal. Selon lui, la vie eût été insupportable pour les Grecs si l'art n'avait pas apporté à la souffrance un attribut héroïque. Et puis plus tard, il écrira « Les Grecs anciens prenaient pour modèle les visions intérieures qu'ils avaient de leur dieu. Le véritable modèle de l'artiste est un idéal qui embrasse tout le drame humain, bien davantage que l'apparence d'un individu en particulier. » Et on va voir que ce sera là la chose que Rothko voudra représenter, cet idéal qui embrasse tout le drame humain. Au terme de cette entreprise, L'esthétique des tableaux de Roscoe va subir des glissements notoires au cours d'une décennie cruciale, 1940-1950, que les critiques d'art américains appelleront « a crucial decade ». Tour à tour, l'art de Roscoe est figuratif, mythologique, surréaliste, multiforme, avant qu'il n'atteigne sa signature style, comme on dit, c'est-à-dire ses rectangles flottants l'un contre l'autre, l'un sur l'autre. Car ce que cherche Roscoe aveuglément, tout aussi aveuglément que Mallarmé recherchait l'absolu, c'est le moyen de représenter la transcendance. On pourrait alors décrire Roscoe comme l'archétype de la conscience exilée. « Je ne veux pas être où je suis et je ne puis être où je veux. Misère de part et d'autre », écrivait Augustin, décrivant sa conscience qui n'existe que dans son propre intervalle, non dans le repos, mais dans un va-et-vient épuisant. Pour Roscoe, cet exercice de décentrement est aussi un recentrage vers son point de stabilité, celui de la création artistique. En 1950, après sa rencontre avec Clifford Steele d'un côté et Henri Matisse de l'autre, il parvient donc à son écriture définitive. C'est donc dans la compagnie des artistes européens en exil à New York, comme Breton, Masson et les autres, que Roscoe s'avance vers l'abstraction. Mais en 1945, le retour des exilés en Europe signe pour les peintres américains le retour à l'isolement. Les réfugiés étaient avec nous pendant la guerre, expliqua le sculpteur Philippe Pavia. C'était les artistes et nous les révérions. Mais les réfugiés disparurent un à un, peu à peu, et nous sommes restés seuls, livrés à nous-mêmes. Constat partagé par Clement Greenberg, qui décrit alors l'isolement des artistes locaux comme inconcevable, dévastateur, infini, accablant. Comment diable une poignée de 50 personnes pourrait gagner une bataille contre 140 millions d'Américains. C'est en compagnie de ses acolytes, Barnett Newman, Adolf Gottlieb, Ad Reinhardt et Jackson Pollock, avec la Fédération de Modern Painters, que Roscoe alors ne cesse de ferrailler contre le local, le régional, l'isolationnisme. Avec le groupe Les Irascibles, en 1945, il organise une véritable insurrection contre la forteresse de conservatisme que représente le Metropolitan Museum of Art. Nous attirons l'attention de ces messieurs, dit-il, sur le fait historique que pour peut-être une centaine d'années, seul l'art d'avant-garde a fait une contribution notable à la civilisation. L'espace interstitiel qu'occupent alors Roscoe et ses amis de l'avant-garde américaine dans le monde de l'art a été clairement repéré par Bill Rubin, le conservateur du MoMA, qui a toujours été conscient du fait que si Roscoe et les autres étaient contre les musées, contre ceci ou cela, ce n'était pas seulement parce qu'ils doutaient des institutions, mais aussi parce qu'ils en étaient exclus. Donc une situation d'offense territoriale face aux institutions locales pour celui qui reste toujours en bordure de la carte et ce fameux cercle vicieux. De fait, malgré la période faste qui va succéder, grâce à son nouveau marchand et à sa nouvelle esthétique, Roscoe voit s'enchaîner les expositions remarquées, etc., il est salué comme un pionnier qui renouvelle le langage formel de la peinture. Il s'engagera en 1959 à nouveau dans une autre rupture. C'est le moment précisément où les artistes américains, cornaqués par des critiques habiles comme Clement Greenberg, des galeristes entreprenants comme Leo Castelli, commencent à se faire connaître sur la scène internationale. En 1964, Rauschenberg va avoir le Lion d'or à la Biennale de Venise. En 1974, ce sont les premiers indicateurs de la montée phénoménale des prix pour les œuvres américaines. Et c'est à ce moment précis que Roscoe décide à nouveau de faire un pas de côté. Il rompt le contrat d'un projet de fresque pour le Four Seasons Buildings, parce qu'il le juge complice de la logique capitaliste, et il quitte son marchand Sidney Janis, montrant à nouveau son antagonisme face au milieu de l'art new-yorkais. En 1960 donc, comme en 1940, grâce à de nouvelles expériences de décentrement en Grande-Bretagne et en Italie, il poursuit ses recherches en développant sa préoccupation éducative pour mettre en place une révolution dans le phénomène du public, pour proposer non pas un tableau isolé, mais tout un environnement. Non pas un moment passager, mais une authentique révélation. Non pas une visite ponctuelle, mais une véritable expérience. Il reprend là une intuition déjà consignée dans son livre, en 1940, je cite, « L'artiste invite le spectateur à entreprendre un voyage dans le champ de la toile. Le spectateur doit se déplacer avec les formes de l'artiste, au-dedans et au-dehors, au-dessous et au-dessus, en diagonale et à l'horizontale. Il doit dessiner une courbe autour de sphères, traverser des tunnels, descendre des plans inclinés, parfois accomplir des prouesses aériennes pour voler de point en point, attirer à travers l'espace par quelque aimant irrésistible. » À moins d'entreprendre le voyage, le spectateur passe réellement à côté de l'expérience essentielle du tableau. Donc on voit comment l'expérience spatiale veut être partagée par l'artiste, que l'artiste veut que le public partage son expérience spatiale. En 1965, approché par un couple de collectionneurs français, Jean et Dominique Deménil, Rothko accepte leur commande d'une chapelle à Houston. Comme Rothko, les Deménil ont émigré aux États-Unis en 1941. Comme lui, ils se sentent étrangers au Texas. Comme lui, ils ont une formation religieuse. Comme lui, ce sont des marginaux qui peinent à s'identifier aux institutions américaines. Comme lui, ils combattent l'ordre raciste qui les entoure, jouant l'ouvert contre le clos, les mouvements d'émancipation des minorités noires contre le pouvoir politique local. Leur complicité se nourrit de plusieurs solidarités entre minorités, y compris de ces affinités électives décrites par Patrick Cabanel dans son ouvrage « Protestants et Juifs ». Elle leur permet d'esquisser l'idée d'un espace inédit au carrefour de l'art, du politique et du sacré, dans lequel la dimension fondamentale serait accessible à tous. Dans ce chantier d'un nouveau genre, les problèmes techniques de réflectance lumineuse occupent dès lors une part de plus en plus grande du travail de l'artiste. Et pour produire cet effet de réflectance lumineuse et d'environnement total sur le public, Rothko reprend les enseignements des fresquistes romains découverts à Pompéi, en représentant avec la bande noire verticale la profondeur de champ. Il reprend aussi les enseignements de la pureté des couleurs du XVe siècle florentin en utilisant la peinture à l'œuf et en superposant de fines couches de couleurs, ce qui, selon Motherwell, était unique au XXe siècle. Il travaille enfin à la disposition des panneaux dans cette chapelle octogonale en organisant deux peintures axiales dans l'entrée et dans l'abside qu'il oppose de manière aussi dialectique que s'opposait à Santa Maria del Torcello à Venise les mosaïques du Jugement dernier et de la Madone à l'Enfant pour provoquer à l'intérieur de la chapelle une tension entre condamnation et promesse, entre tragédie et espoir. Sur l'esplanade qui conduit à la chapelle Rothko, les Deménil ont placé Broken Obelisk, une statue de Barnett Newman qu'ils ont dédiée à Martin Luther King, comme un défi silencieux. En février 1971, un an après le suicide du peintre, dans son discours d'inauguration de la chapelle, Dominique Deménil se demande s'il n'est pas prophétique que Rothko nous ait laissé le seul message qui puisse totalement être accepté par quiconque, croyant comme non-croyant, le sens du mystère. Ce message était intemporel, dit-elle, et nous sommes reconnaissants qu'il soit délivré sans image. Les images, qui n'ont jamais été tolérées par les juifs et les musulmans, sont devenues aujourd'hui intolérables pour nous tous. Nous sommes saturés d'images et seul l'art abstrait peut nous amener au seuil du sacré. Ainsi, au cours des années, la chapelle Rothko, ouverte à tous, toujours, est devenue le carrefour politique de toutes les urgences. Dominique Deménil y a créé avec Jimmy Carter la Carter-Menil Human Rights Foundation, en y célébrant par exemple en décembre 1991, pour le 20e anniversaire de l'inauguration, l'action de Nelson Mandela, qui s'y est rendu. Lorsque l'on pénètre dans ce bloc de béton gris, plongé dans l'obscurité, uniquement éclairé par une légère ouverture lumineuse au plafond, il faut du temps pour permettre à sa rétine de s'accommoder à la pénombre, avant de percevoir les panneaux de couleur sombre entre pourpre et bordeaux qui le tapissent, avant de basculer à l'intérieur du tableau et de vivre ce moment comme une véritable expérience. On pourrait considérer la chapelle Rothko comme l'archétype de ce lieu vide dont parle Claude Lefort quand il caractérise la mutation qui est à l'origine de la démocratie moderne. Pour la première fois, explique-t-il, le lieu du pouvoir y est tacitement reconnu comme un lieu vide, selon le principe que le pouvoir ne doit s'actualiser nulle part, que personne, aucun groupe ne peut feindre d'en occuper le lieu et de vouloir s'en approprier son exercice. Fin de citation. Ainsi, ce lieu vide devient pour tous un espace d'empowerment et un véritable nœud de force potentielle. Dans leur rejet répété et persistant des déterminations de l'État-nation avec son ordre mutilant, qui repose sur isomorphisme entre peuple territoire et souveraineté légitime, les créateurs de la chapelle Rothko ne sont-ils pas de ceux qui inaugurent le nouvel espace cosmopolite dans lequel nous vivons aujourd'hui, un espace auquel on pourrait appliquer le concept d'ethnoscap qu'a forgé Arjuna Padurai et qui le premier a tenté une anthropologie de la globalisation culturelle. L'ethnoscap, explique-t-il, s'oppose à la vision statique des représentations collectives et permet d'adopter une perspective dynamique sur les identités qui sont en constante réélaboration. Mais revenons pour quelques minutes à l'artiste qui, selon Pierre-Michel Minguer, travaille dans l'incertain. Depuis Vasari, on sait que le déplacement géographique est constitutif de la profession artistique. Les contacts entre migrants et sociétés ont modifié de manière tellement inéluctable la scène artistique qu'elle en devient le lieu de l'interculturel par excellence. On vient de considérer la ville de New York au XXe siècle, la ville de Paris au XXe siècle, où artistes, galeristes, critiques et même collectionneurs étaient en majeure partie des immigrés. Et à New York, où la génération de Rothko a été, entre le régionalisme des peintres locaux et l'avant-garde des peintres européens, a bien été le maillon manquant, mais essentiel à l'émergence de l'art américain triomphant. Donc maillon manquant, mais aussi maillon sacrifié aux dépens du pop art, ce qui apparaît dans son suicide. Prenons maintenant l'expérience de Venise au XVe siècle. Il en est de la peinture comme des autres métiers. C'est le patriciat qui favorise l'immigration des bons artisans. C'est lui qui tient la République des Doges pour une espèce de melting pot. Mais l'artisanat local ne voit pas les nouveaux immigrés du même œil. Pourquoi le ferait-il? C'est de la concurrence étrangère. Cela ne va pas sans conflit, sans une tension perpétuelle. Les métèques, aux yeux d'un rialtin, n'ont d'autre protection que leur valeur professionnelle. Contraint de s'incliner devant la supériorité technique des métèques, l'indigène masque son humiliation en renchérissant sur ses prérogatives. Le Titien, par exemple, cet étranger, est à la poursuite d'un autre étranger, Antonello da Messina, ce météore qui a déchiré le ciel et l'eau de la lagune 20 ans plus tôt. Et bien sûr, c'est tiré de Sartre, le séquestré de Venise. Donc, pour terminer, je vais passer à Paris au XXIe siècle. Ce n'est pas un hasard si, malgré les stigmatisations, les hostilités et les sacrifices, l'artiste déraciné joue dans l'évolution de nos sociétés un rôle crucial. C'est une vigie, un détecteur de signaux faibles, un sonneur d'alerte qui préfigure les formes culturelles cosmopolites d'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est aux avant-postes, qui échappe aux déterminations imposées par le pouvoir et qui propose tout autant que des mutations esthétiques, de nouvelles dynamiques sociales et civiques. Le monde n'a plus été le même après Picasso et Miro, écrivit un jour Rothko. Leur vision du monde a transformé notre vision des choses. Si aux États-Unis, grâce à la porosité d'une société civile malléable, les immigrations dans le monde de l'art ont pu tisser un nouveau portrait de famille, en bénéficiant du potentiel créatif de l'Europe, on le voit dans l'art mais on l'a vu aussi dans la science, la situation est différente en France, où au retard dans l'introduction du pluralisme culturel a succédé, selon Achille Mbembe, une phase de long hiver impérial. Tel est précisément le contexte dans lequel Jean-Hubert Martin a conçu en 1989 son exposition controversée « Magicien de la Terre » au Centre Pompidou, pour laquelle il a permis à des artistes contemporains en provenance de, je cite, « cultures invisibles » de pénétrer pour la première fois sur une scène occidentale. Je cite « l'idée communément admise qu'il n'y a de création en art plastique que dans le monde occidental est à mettre aux survivances de l'arrogance de notre culture », écrivait-il. En 1987, lors de son voyage de repérage en Chine, à une période de mutation politique où, après la destruction des cultures anciennes, les étudiants redécouvrent simultanément la culture traditionnelle chinoise et des bribes de culture occidentale, Jean-Hubert Martin entend parler d'un mouvement Xiamen Dada. Et là, il découvre le travail de Wang Yongping. Voilà son journal, samedi le 14 novembre 1987. Arrivé à Xiamen en fin d'après-midi, accueilli par Wang Yongping, je suis impatient de voir l'atelier du leader du groupe intitulé Xiamen Dada, point d'exclamation. Pas déçu. Œuvre réalisée selon les règles d'un jeu de hasard reposant sur le Yi Qing. Nouvelle version avec une grande roue qui devrait permettre de réaliser toutes sortes d'œuvres, objets et peintures. Peintures détruites, démontées, morceaux de châssis apparents, tableaux, transparences, combinant deux images recto-verso de livres d'histoire de l'art, élevage de poussière, récupération, assemblage de tous ordres. Pas une œuvre qui ne soit une remise en cause des conventions. Voilà vraiment une pensée et des idées, même si les réalisations sont un peu désordonnées. C'est d'ailleurs là leur valeur. L'artiste fait une pièce par idée. Il n'est pas dans l'utilisation et l'exploitation d'un truc. Je crois que le mieux serait de le faire venir. Wang Yongping est donc venu en France pour participer à Magicien de la Terre en 1989, au moment précis de la répression de la place Tiananmen, et il est resté en France. Au mois de juin dernier, il nous a proposé Empire, une installation monumentale au Grand Palais sous forme d'une allégorie des grandes mutations contemporaines. Ainsi, avec cette magistrale intrusion du fantastique dans le réel, Wang Yongping nous renvoyait une image brutale, mais très juste et très salutaire de la France dans la géopolitique contemporaine. Nous savons tous, dit-il, que l'art n'a plus de définition et que l'artiste travaille dans ce contexte indéfini. Je suis un artiste et je deviens un divinateur. Alors voilà ma conclusion. Dans les États-Unis de 2016, face à une montée populiste qui parle de construire des murs contre les Mexicains, la chapelle Rothko perdure depuis bientôt 50 ans, telle une boussole éthique. Dans la France de 2016, comme cela a été dévoilé récemment par les travaux de la sociologue Ya Wanchang, la population chinoise, cette minorité silencieuse, subit toujours l'expérience quotidienne de la honte, notamment dans le cadre de leur relation aux institutions, parce que, dit-elle, le fait de mal parler le français rend difficile, voire impossible, leurs démarches administratives. Nous revenons là, comme au début, à la ségrégation de la langue, qui fonctionne comme un marqueur d'exclusion. La sociologue Raymonde Moulin nous apprend que la proportion d'étrangers parmi les artistes plasticiens est très supérieure à celle des étrangers dans l'ensemble de la population active, 21% contre seulement 10%. Il s'agit là d'une caractéristique très particulière à cette profession, dit-elle. C'est pourquoi je suggère qu'aujourd'hui nous profitions de cette particularité démographique, que les étrangers vont deux fois plus nombreux dans la profession artistique que dans les autres. Parce qu'il faut développer cette particularité, l'accélérer et regarder le monde par les yeux de ces funambules. Il faut travailler à multiplier les lieux vides, comme autant de ponts suspendus entre tragédie et espoir. Il faut écouter les messages si précieux qu'ont à nous transmettre à partir de leurs espaces interstitiels, de leur position de surplomb, ces consciences exilées qui restent toujours en bordure de la carte. Les Antonello da Messina, les Rothko, les Wang Yongping sont tout à la fois nos métèques et nos météores. Leur décentrement subversif nous est essentiel. La société qu'ils nous proposent vise à faire de ces espaces interstitiels la norme sociale. De fait, leur société a décidément la forme de la charte de Palerme. Merci. C'était Annie Cohen-Solal, Artistes et déracinements, le cas de Mark Rothko, le 13 octobre 2016 au Collège de France, et tout de suite Marie-Caroline Saglio-Yazitsmirski, anthropologue clinicienne, temps du trauma, terre de l'asile. Je suis extrêmement honorée d'intervenir après Annie Cohen-Solal, qui a parlé de ce point de vue du déraciné, même si les déracinés dont je veux vous parler sont des anonymes. La migration crée ces anonymes, des hommes, des femmes qui, dans la guerre et l'immigration, ont perdu ou troqué leur nom contre une nouvelle appartenance à des catégories. Ce sont les migrants, les clandestins, les réfugiés, les exilés. Dans ses réflexions sur l'exil, Édouard Saïd historicise les exils et distingue les réfugiés d'aujourd'hui, produits, je cite, de conflits modernes et de migrations de grande ampleur, de l'ancien exilé, dont la figure lui évoque l'intellectuel créatif. Pourtant, chaque moment historique a son lot de migrations violentes et ses milliers d'anonymes. Point de savants ou d'artistes qui auraient sublimé la désolation de l'exil. Ils perdent leur nom, car dans ce parcours, ils perdent leur parole. Ils sont dépossédés des mots, et souvent de leur langue, pour dire la souffrance et en proposer une expérience. En effet, le trauma les a sortis de l'ordre de la parole. Et pour cela, ils sont mis au banc du monde commun. Ce sont ceux qu'on ne comprend pas très bien. Au mieux, ils ont l'air désorientés et souffrants, et ils inspirent la pitié et la compassion. Au pire, ils ont l'air de fous et provoquent le rejet. Je vais vous parler des hommes et des femmes que je reçois dans la consultation de psychotraumatologie de l'hôpital Avicenne à Bobigny. Ils sont majoritairement originaires d'une douzaine de pays que je vais donner ici dans la liste du plus au moins représenté en 2015. Sri Lanka, Bangladesh, Guinée-Conakry, Pakistan, Afghanistan, Côte d'Ivoire, Tchétchénie, Nigeria, Somalie, Soudan, République démocratique du Congo et Éthiopie. La majorité de mes patients, terme consacré mais éminemment problématique tant il objectivise, sont donc des Tamouls du Sri Lanka, des Bangladais et des Peuls de Guinée-Conakry. Ils ont vécu des situations de violence extrême, des guerres ethniques, sectaires ou religieuses, des viols, des tortures, des blessures. Ils ont été confrontés de manière brutale à la mort de leurs proches et à la leur imminente. Les demandeurs d'asile sont orientés dans ce service sur la base d'un tableau clinique qui amène au diagnostic du traumatisme psychique. Le syndrome de stress post-traumatique, tel que consigné dans les classifications internationales de troubles mentaux, regroupe, je cite, « l'ensemble des symptômes physiques et émotionnels liés à l'anxiété provoquée par la confrontation brutale, inattendue et intense, avec un événement exceptionnellement menaçant pour l'intégrité psychique et physique ». C'est donc l'ensemble de ces symptômes physiques et psychiques et émotionnels. Ce trouble est accompagné d'une cohorte de symptômes, en particulier les reviviscences, les cauchemars où l'événement se répète, ainsi que les dissociations où le sujet échappe au souvenir de l'expérience trop bouleversante par des formes d'amnésie et un sentiment de dépersonnalisation. Ce trouble est bien identifié par la psychiatrie. Il a été spécifiquement décrit et codifié tout au long du XXe siècle à partir des tableaux des victimes de guerre. Le dernier rapport du COMED, le Comité médical pour les exilés, fait état d'un taux de prévalence du psychotraumatisme chez les exilés de 20 à 80%, avec une moyenne de 38%, le taux variant en fonction des pays d'origine. Il représente un tiers environ des pathologies prises en charge chez les exilés en France. Le tableau clinique du patient trauma, comme on l'appelle, est souvent aggravé par la vulnérabilité juridico-politique de ce dernier en attente de statut, par sa précarité économique et sociale et souvent la non-maîtrise de la langue française. Dans la consultation hospitalière, le critère médical est majeur. Or, dans la rencontre psychothérapeutique, on s'écarte du diagnostic pour proposer non pas une lecture des symptômes, mais une écoute du sujet. Cette écoute aborde le trauma, étymologiquement la blessure, moins par le choc traumatique que par la trace psychique, la répétition mortifère, qui a enseveli les capacités de pensée du sujet et ses possibilités d'échange avec autrui. C'est cela qu'il faut restaurer, et il ne s'agit pas seulement de calmer les symptômes par psychotropes ou antidépresseurs. Pourquoi cette détresse ? Le trauma maintient le sujet dans un abîme, littéralement hors du temps et hors des limites culturelles, hors de cette culture et de ces règles symboliques qui fondent le lien social et qui, d'une société à l'autre, définissent les frontières du tolérable et de l'intolérable, car ces règles sont brisées. Et c'est pourquoi, si le temps long est nécessaire pour appréhender les exils du sujet, de l'histoire, je vais toutefois m'intéresser ici à un immédiat de l'homme violenté par la guerre et la migration et m'attarder sur les trois dimensions du trauma qui en font un sujet déshistoricisé, déterritorialisé et désocialisé. Le cas clinique qui va accompagner mon propos est celui de Raj, cas à la fois paradigmatique en ce que les symptômes sont partagés par les victimes et cas unique en ce que l'expression subjective de Raj dans sa manière de lutter contre le trauma est naturellement non transposable. Raj est un jeune homme tamoul de Sri Lanka qui a toujours connu la guerre. Que tu le veuilles ou non, toutes les familles tamoules sont engagées dans la guerre, précise-t-il. La consultation a lieu en tamoul avec un interprète et c'est un élément essentiel sur lequel je n'ai pas le temps de m'attarder ici. Il a peu connu son père qui était investi dans la lutte des tigres tamouls contre l'armée sri-lankaise et qui, avant de disparaître, euphémisme qu'emploie Raj, euphémisme pudique, lourd de sous-entendus pour une population qui découvre les charniers, ne faisait que d'épisodiques passages dans sa famille avant de repartir se cacher. Plusieurs fois, Raj pense qu'il va être engagé lorsque les tigres viennent enrôler les aînés, mais il tient l'épicerie familiale, une cache qui peut servir. L'armée y découvre alors des armes. Il est accusé, il est emmené après un épisode d'intimidation où devant sa mère et ses sœurs, on lui casse les dents. Comme ça, il arrêtera de mentir, précisent les bourreaux. Il est violé, torturé, les bras et le dos méthodiquement brûlés et les vertèbres cassées. Pour qu'il donne des noms, il est asphyxié, la tête dans un sac en plastique, une technique qui lui fait dire en consultation qu'il ne voit alors plus rien, seulement qu'il va mourir. Raj est venu plusieurs années en consultation sans manquer un seul rendez-vous pour essayer de sortir de la terreur des cauchemars, pour essayer également de se débarrasser de la torture qui pèse lourd dans son corps devenu étranger, plaie croûteuse et souillée, un corps qui le hante et un corps qui le rejette. C'est à ce temps du trauma et au progressif amarrage de Raj à une terre d'asile que je vais essayer de réfléchir. Méthodologiquement, c'est une entreprise risquée de s'intéresser au trauma du migrant, car ce que permettent la sociologie et l'anthropologie, mes disciplines de formation, Donc ce qu'elles permettent de traiter d'un fait social comme d'une chose, pour reprendre l'aphorisme durkheimien, les approches psychologiques et psychanalytiques ne le permettent plus. Elles questionnent la manière dont nous construisons l'autre, en engageant chaque sujet de la rencontre comme partie prenante de cette construction, par son transfert et par ses projections. Or, comment se tenir devant la douleur des autres, pour reprendre le titre éponyme de Susan Sontag, sans être d'une part un spectateur, sans être d'autre part pris soi-même par l'effroi? Double effroi, puisque le trauma est à la fois l'épouvante du sujet qui se répète là, dans la rencontre, et l'épouvante de celui qui est pris dans ce regard, pétrifié comme la victime de Méduse. Jorge Semprún, cet homme politique espagnol, écrivain, auteur de L'écriture ou la vie, tentait d'expliquer l'effroi des deux soldats qu'il croise ce matin de libération au sortir du camp de Buchenwald, écrit « C'est l'horreur de mon regard qui révèle le leur, horrifié. Si leurs yeux sont un miroir, enfin, je dois avoir un regard fou, dévasté. » La rencontre avec le patient est empreinte de cette détresse. Lors des premières consultations, Raj ne veut ou ne peut regarder. Il garde les yeux baissés et en même temps le silence. Cet homme est effrayant par sa posture qui renvoie à son effroi intérieur, autant qu'il est lui-même effrayé par son propre effroi. Le premier décentrage auquel nous sommes conviés prend effet dans cette rencontre initiale qui nous écarte, à mon avis, de toutes les catégories que nous convoquons aujourd'hui pour penser les réfugiés et les migrants. Qu'il me soit permis ici de citer Herri de Luca dans un texte magnifique sur le rôle de l'Europe dans les noyades des migrants. À force de naufrages, sur terre comme sur mer, l'Europe a progressé dans son vocabulaire. Au début des naufrages, elle utilisait le mot « clandestin ». Bien des massacres plus tard, elle a appelé ces personnes migrants, puis exilés, puis réfugiés, même si le refuge n'est accordé que dans peu d'endroits. Pour les noyer, pour les asphyxier dans les camions, ce sont de grandes satisfactions. Avec leur corps, avec leur vie semée comme de l'engrais, ils ont modifié le vocabulaire de l'Europe. Fin de citation. Chacune de ces classifications traduit ici la pensée du chiffre et la peur des grands nombres, le migrant. Là, l'obsession administrativo-politique, le clandestin, le demandeur d'asile, le réfugié, ou la nécessaire distance du chercheur, les personnes, les exilés. Ces catégories sont éminemment idéologiques, pas sociologiques. Elles viennent servir des politiques et souvent fichent des positions. Que faire de ceux qui restent? Les noyer, les asphyxier, les corps anonymes? La violence des catégories vient de ce qu'elles essentialisent ces populations, les typifient et redéfinissent l'objet en même temps qu'elles tentent de le définir. Elles réduisent l'autre à ce à quoi la société d'aujourd'hui souhaite le réduire, ou victime, ou suspect. Car la manière dont nous construisons les contours de l'autre, l'étranger, est notre manière de le tenir à distance. Lister, classer, définir, cela permet de faire disparaître l'étranger comme menace, et donc de le faire disparaître tout court. Désigner l'étranger ou l'aliène, c'est littéralement l'asservir, l'aliéner. Aliénation, car il ne s'agit pas seulement, par les processus d'imposition, de déposséder le sujet de lui-même. Il s'agit, comme l'exprime Gilles Deleuze, de déposséder le sujet du monde, de le rendre anonyme. Quelle catégorie puis-je donc utiliser qui ne trahisse pas son objet? Je vous parlerai d'un sujet en quête d'une terre de l'asile, car cette précision syntaxique permet de dépasser la catégorie administrative du demandeur d'asile pour entendre un sens plus littéral. Être en quête de l'asile, c'est espérer sortir de l'illégalité, traduction juridico-administrative de l'illégitimité. C'est espérer sortir de la précarité, situation de dépendance dans laquelle se trouve le migrant. C'est espérer sortir de la souffrance insensée, du gouffre traumatique. Lorsque Raj arrive en consultation en 2012, amené par un de ses compatriotes inquiet de ses réactions bizarres, il est à la rue depuis plusieurs mois, car ses amis avec lesquels il partageait une place dans un petit studio ont peur de cet homme sombre qui exprime une forme d'apathie solitaire le jour, de violentes crises auto-agressives la nuit, où il se déchire la peau des jambes et des bras pour se sentir vivant. Raj a été plusieurs fois entendu par les autorités suédoises d'abord, puis françaises, et le fait qu'on ne le croit pas le plonge dans une dépression sévère. Il ne sait plus pourquoi il est là, je cite, il ne sait plus ce qu'il doit dire, pris dans la logique de la preuve qui caractérise les entretiens administratifs. Il conclut qu'il n'a plus sa place nulle part, et même sa parole lui a été retirée. Afin d'appréhender la violence psychique qui est en jeu, il est nécessaire de qualifier le trauma. Il possède certes une dimension quantitative d'agression intensément brutale, mais ce qui le qualifie est d'abord une dimension qualitative. Il est le fait d'homme. Il est intentionnel. Il doit être distingué d'un trauma accidentel, un tremblement de terre, un incendie par exemple. Violence de guerre, exactions meurtrières des gouvernements dictatoriaux, conflits ethniques, violences religieuses, trafic humain, Le trauma intentionnel se caractérise par l'inversion ou la destruction des règles d'organisation sociale et familiale, par la cruauté et par la perversité de l'acte. C'est le voisin qui dénonce, c'est le père qui viole, ce sont les enfants soldats. Les frontières qui distinguent l'homme de l'animal, le vivant du mort, vacillent. Les invariants anthropologiques qui régulent les sociétés sont renversés. Les patients, en évoquant les tortures, disent « on ne fait pas ça à un animal ». Ils disent qu'ils ont vu la mort. « Je croyais que j'allais mourir », dit Raj. Le trauma intentionnel se double d'une seconde violence, celle potentielle de la migration, qui peut ajouter la perte, à la fois réelle et symbolique, des lieux de sens culturel. Les demandeurs d'asile qu'on rencontre dans cette consultation ont pour la plupart franchi les frontières au cours de périples longs et épuisants. Les traversées sur des routes sans fin, dangereuses, sur des embarcations de fortune, dans la faim et le froid, la maladie, la dureté des passeurs pour gérer les récalcitrants, les malades jetés par-dessus bord, tout ce que rapportent les médias est bien loin encore des détails évoqués par les patients en consultation, qui prennent des dimensions d'autant plus angoissantes qu'ils sont là, vivants, qui racontent et s'entendent raconter la mort. Les équipées funestes se poursuivent en France, car les demandeurs d'asile sont pour certains, ou risquent pour certains, leur vie s'ils sont arrêtés et reconduits dans leur pays. Raj a été reconduit une première fois par la Suède au Sri Lanka, après un refus d'attribution d'asile, et il a été, dès l'atterrissage, arrêté, emprisonné, torturé, de sorte à éliminer définitivement ses velléités d'opposant. Envisager une possible reconduction à la frontière de France, pour lui, le conduit aux limites de la folie. Beaucoup revivent dans l'espace d'arrivée une partie de ces violences qu'ils fuyaient, par exemple dans la brutalité des passeurs ou des brutalités policières. Le trauma ne cesse de se réactualiser. Du périple, les demandeurs d'asile retiennent d'abord le péril, autrement dit la rencontre avec la mort, sans retour possible, puisque l'expérience est inscrite dans leur corps et dans leur psyché. Le trauma se situe dans un en-deçà des symptômes visibles, que sont les troubles du sommeil, que sont les reviviscences, l'hypervigilance, les stratégies d'évitement, l'impression de confusion. Les médicaments ne suffisent pas. Raj, désorienté par la première consultation psychothérapeutique, alors qu'il vient supplier qu'on le médicamente pour qu'il arrête de penser, ce sont ses mots, précisera quelques semaines plus tard sa terreur de sentir le mal incubé en lui et ce mal reprendre dès qu'il arrête les somnifères ou les anxiolytiques qui l'assomment. Les bourreaux le pourchassent, ces bourreaux sont dans sa tête. Pour sortir de la répétition traumatique, un autre décentrage consiste à faire émerger le sujet comme un acteur. Il y a eu un choix dans ce qu'on appelle improprement les migrations forcées ou involontaires. Un choix d'abandon, certes, mais un choix. Et ce travail psychothérapeutique va s'efforcer d'élaborer comme décision de survie nécessaire et censée ce départ. Pour penser cela, il faut restaurer les cadres spatio-temporels et culturels du sujet avec lui. Je vais donc vous parler du trauma comme d'une expérience qui bouleverse ces cadres spatio-temporels. Le trauma comme un hors-temps d'abord. Les premiers mois de la consultation, Raj passe beaucoup de temps à marcher, à errer, de square en jardin public. Il dit en consultation, et ceci est une transcription littérale à nouveau, « Je ne sais pas où je suis toujours ailleurs, dans ce qui s'est passé, je suis perdu dans le temps. » Le trauma a bouleversé les différentes temporalités du sujet. L'histoire chronologique, le passé, le présent, le futur, a été accidentée et le sujet est arrêté dans un passé confondu au présent. Le trauma met en péril ce sentiment de continuité d'existence, ce qui fonde l'identité narrative, chère à Paul Ricoeur. La dimension qualitative du temps vécu, où s'inscrit véritablement l'individu, celle d'un éprouvé de la durée, se trouve engouffrée dans la dépressivité proche de la mélancolie qui s'abîme dans l'immobilité. La mort est désormais inscrite au cœur du vivant. Et c'est ce que dit très bien Jörg Semprin du camp où il a rencontré la mort, où il a fait l'expérience de la mort. Je le cite, « Car la mort n'est pas une chose que nous aurions frôlée, côtoyée, dont nous aurions réchappé, comme d'un accident dont on serait sorti indemne. Nous l'avons vécu. Ce n'est pas crédible, ce n'est pas partageable, à peine compréhensible, puisque la mort est pour la pensée rationnelle le seul événement dont nous ne pourrons jamais faire l'expérience individuelle, qui ne peut être saisie que sur le mode du futur antérieur, et pourtant nous aurons vécu l'expérience de la mort. » Fin de citation. Le sujet du trauma est inscrit dans une quatrième dimension du temps, arrêté dans le futur antérieur, où la mort est certaine. Raj passe un premier entretien à l'OFPRA, dont il ne garde quasiment aucun souvenir. Il a décompensé, selon la terminologie psychiatrique. Il était pris par les reviviscences, par le vécu de la scène traumatique qui a submergé le présent de l'entretien. Il se souvient seulement que l'officier de protection lui a demandé de raconter précisément ses pointages dans les camps militaires cingalais. On lui a ensuite demandé de raconter ce qui s'y passait. Soudain, il a dit qu'il n'a plus vu autre chose que le lieu de torture et la mort s'approcher. Il s'est alors mis à hurler, de la même manière que dans la nuit, lorsqu'il dort, le retour du trauma le fait hurler. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace. Le trauma est répété dans l'exil, qui place le demandeur d'asile, initialement en tout cas, comme un suspect dans la société d'accueil. La migration est alors vécue, non pas tant sur le mode de la déterritorialisation, pour travestir l'expression de Gilles Deleuze, que d'une extéritorialisation, car il n'y a pas de nouvelle inscription dans un territoire. L'arrivée sur la terre dite d'accueil se fait sans identité politique. La condition incertaine de celui qui n'a pas de statut de réfugié, qui est tributaire des décisions étatiques de protection et d'attribution du droit de séjour, exude une souffrance proprement politique, qui est celle de l'illégitime, de l'apatride, du déraciné. Sa situation le place dans la dépendance précaire, au sens que rappelle le psychanalyste Paul-Laurent Assoun de précarius, ce qui s'obtient par la prière, celui qui est dans la demande, dans l'assujettissement à l'autre, dont il espère recevoir de l'aide. Ce sentiment d'illégitimité est avivé par la rencontre avec un autre système culturel qui peut bouleverser des repères et aviver le sentiment d'isolement. D'autant que les patients sont psychiquement isolés par le trauma. Même si leur communauté est implantée en France et que celle-ci partage une histoire collective, le drame des Tamouls du Sri Lanka, ils ne font partie d'aucun collectif, ni du leur au pays qu'ils ont fui, ni de la diaspora tamoule installée en France depuis des décennies, ni même, et c'est là l'élément destructeur, du groupe de compatriotes qui ont fui comme eux. Le trauma individuel désolidarise en induisant des récits impossibles à partager. Ce sont les termes de Boris Cyrulnik. Pour le sujet, ce qu'il a vécu le rive à lui-même et le couple de l'autre. La relation d'objet est rompue, ses capacités relationnelles sont bouleversées, le sujet est renvoyé à la violence interne, il est privé de parole. Freud, Winnicott, plus récemment Lacan, ont qualifié de DZ cet état d'impuissance de l'infance, le tout petit enfant, impuissance absolue de celui qui ne parle pas lorsqu'il est abandonné par un environnement qui ne le soutient pas. C'est ce sentiment de DZ qui ressurgit dans la dépressivité du sujet, réduit à l'impuissance et au silence. Ainsi, la notion de trauma semble bien restrictive si elle ne réfère qu'à l'atteinte psychique. C'est un trauma de vie, dans toutes ses dimensions, c'est une crise, au sens étymologique, c'est une rupture d'équilibre. Pour localiser le sujet dans l'expérience singulière de la crise, l'ethnologue et psychiatre italien Ernesto Di Martino cristallise la présence comme ce sentiment élémentaire de soi, cet élan situé à la racine existentielle de la vie culturelle. Celle-là est intimement menacée dans le trauma et la migration. Il y a alors chute de la présence, crise, activée par la violence politique, par la rupture du sentiment d'appartenance à la même humanité que celle où se produit la violence. Le sujet perd le sens et la sensation de sa présence au monde. Cette crise est d'autant plus vive que la migration érode le socle culturel qui permettrait de soutenir le sujet. Ce qui vient agresser Raj et rouvrir à la blessure, ce sont moins les formes de suspicion et de rejet dont il fait l'objet, par celui qui change de place dans le métro lorsqu'il s'approche, de cet autre qui ne s'arrête pas s'il demande un renseignement. Il est noir, il est sale, il est étranger, il ne parle pas français, il sait tout cela. Ce qui l'atteint, ce qui le terrasse, c'est de ne plus se sentir soutenu par sa propre culture, par un système social qui donnerait sens à sa situation, à sa présence. Il est désolidarisé du combat qu'il a mené. Du reste, il n'était pas combattant, à peine sympathisant. Il a été pris dans cette guerre. Aujourd'hui, sa propre position ambivalente de victime l'empêche d'être plus actif ou de soutenir le regard des autres Tamouls qui ne l'identifient pas et qui le croient simplement fou. La culture de Raj n'admet pas cet homme possédé par ses démons, car les démons ne peuvent qu'être dangereux pour le groupe social, que ces démons s'appellent le mauvais sort, les esprits, les bizarreries ou la tension. Alors comment trouver la terre de l'asile ? Pour parler du demandeur d'asile comme du sans-papier, il a souvent été évoqué la figure de l'homo sacer, théorisée par Giorgio Agamben, en référence au statut des esclaves de la cité grecque, homme tuable, entièrement dépendant du pouvoir souverain. Par opposition à la vie nue biologique, zoé, la vie qualifiée, bio, et celle du sujet qui porte un nom, une filiation, est reconnue par l'autre, s'inscrit dans une tradition historique et a droit de cité. En théorie, la situation des demandeurs d'asile rappelle celle de la vie nue de ces hommes tuables, puisqu'on a affaire à des non-citoyens, rejetés de leur pays, situés dans un espace-temps conditionnel en France, tributaires d'une décision pour exister politiquement. Toutefois, adopter cette conception, c'est prendre le risque de désubjectiviser l'homme qui a fait le choix de partir, de quitter sa terre et les siens, qui vient tenter ses papiers ou le recours, qui vient faire entendre sa parole. Cette référence pourrait faire oublier que ces hommes ne sont pas des victimes passives, mais des hommes libres, et que c'est précisément leur subjectivité, une fois retrouvé l'espace de parole, qui leur permettra de s'inscrire à nouveau dans un espace politique. Le demandeur d'asile qu'on rencontre en trauma n'est précisément pas l'esclave. En revanche, il est un homme en lutte avec la mort. Comment trouver la terre de l'asile, l'asylum, le lieu inviolable, le refuge? Comment être présent au monde malgré les aléas de l'obtention des papiers et malgré la précarité? La grande majorité des patients qu'on a en consultation n'ont pas leurs papiers et ne les auront pas. C'est le travail clinique de proposer aux demandeurs d'asile, souvent déboutés de l'OFPRA et de la CNDA, qui ont épuisé les aides et les allocations, qui sont quelquefois à la rue, de partir en quête d'une terre de l'asile et de trouver leur place de sujet. Dans la consultation, en rentrant dans l'ordre de la parole, ils se retrouvent acteurs de leur parcours et surtout de leur discours, libérés d'une posture victimaire. Par le procès de la parole, le sujet peut renouer avec l'expérience du temps. Non seulement son histoire se tisse dans la successivité de la narration, mais elle retrouve l'épaisseur d'une expérience qui se trame en écho au tissu d'expériences passées, et elle pose là la question du sens où il a été dévasté. Dans l'espace clinique, le sujet renoue aussi avec l'expérience de l'autre, du tiers. Raj dit avec plusieurs mois que c'est la première fois qu'il a l'impression d'avoir une place quelque part. Aujourd'hui, Raj va bien, si on peut dire, connaît ses fantômes, a façonné ses propres outils psychiques pour se sortir de ses crises nocturnes. Il sait alors convoquer les pensées, les mots, qui le réveillent du gouffre traumatique. Il sait qu'il n'est pas seul. Pourtant, au terme de son long parcours psychothérapeutique, Raj est désormais saisi d'une autre peur, qui ne relève ni du trauma, cette fois-ci, ni de l'effroi. Il a peur de l'oubli. Il a peur d'oublier son histoire, peur que ses futurs enfants ne la connaissent pas, peur que vous ne le croyiez pas, peur que vous ne sachiez pas. Après des années passées à tenter d'oublier son histoire pour survivre psychiquement, Raj peut aujourd'hui la porter. Comment conclure autrement que sur cette rencontre avec l'histoire de Raj? La question des réfugiés n'est pas seulement du ressort du savoir académique, bien sûr, ou de l'aide humanitaire, c'est le lieu politique d'un dramatique malentendu actuel sur la place de l'autre dans notre société, sur la culture dans un monde en proie à la violence pulsionnelle. Parce que la violence et la migration viennent détruire les cadres spatio-temporels et culturels qui organisent la vie psychique et sociale du sujet, ce dernier, pris dans le trauma, est déshistoricisé, déterritorialisé, désocialisé. C'est sa présence au monde qui est ébranlée, c'est sa légitimité à être. Ce que nous enseigne la clinique, c'est une possibilité de créer un cadre possible pour reprendre place dans le monde commun. Les demandeurs d'asile s'accrochent à ce cadre, à la relation avec le clinicien, à ce qu'ils peuvent retrouver d'eux-mêmes et de leur culture dans cette consultation. Pour sortir du trauma, cette proposition est essentielle. Accueillir les demandeurs d'asile ne se réduit pas, me semble-t-il, à leur donner de quoi manger, dormir, se vêtir, les accompagner dans leur parcours administratif, ce que fournissent bien les associations aux pauvres R qui débarquent dans les camps de réfugiés. L'écoute du sujet est un besoin aussi essentiel que ses besoins alimentaires, aussi essentiel à la vie d'homme. Merci beaucoup. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Marie-Caroline Saglio-Yazitmirski, psychologue clinicienne à l'hôpital Avicenne et anthropologue à l'INALCO, Temps du trauma, terre de l'asile. Et en première partie, vous avez écouté Annie Cohen-Solal, professeure à l'université de Caen-Normandie, chargée de cours à l'école normale supérieure, Artistes et déracinement, le cas de Mark Rothko. Elle s'exprimait le 13 octobre 2016. Nous diffusons de larges extraits du colloque « Migration, réfugiés, exil ». Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos et les informations autour de cette diffusion. Annie Cohen-Solal a publié « Mark Rothko » chez Actes Sud en 2013. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Un grand merci à Boris Boutleroff. Lundi, suite du colloque « Migration, réfugiés, exil » avec l'historien Pierre Briand, professeur au Collège de France, nous tournerons notre regard vers la Grèce et le Proche-Orient hellénistique. Et en deuxième partie, nous retrouverons François-Xavier Fauvel, directeur de recherche CNRS. Nous suivrons les métamorphoses du peuple de la vache. Et dans quelques instants, nous retrouvons Les Petits Matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.